Le réseau d'outre-mer du quotidien du peuple de Chine a inséré un écrit titré « Amitié établie à travers la lutte sanglante » en l'honneur du président Kim Il-sung qui a assisté énergiquement la révolution chinoise avec la noble obligation internationaliste.